À l'occasion de la journée du soleil, fête nationale suprême, le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu les messages de félicitations de la part des organisations et entreprises de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Chongyun. Ce sont le conseil permanent de l'Association des commerçants et industriels coréens au Japon, le présidium du comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, le présidium du comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon, la commission permanente centrale des membres exécutifs de l'Association des jeunes commerçants et industriels coréens au Japon, le présidium du comité central de l'Union des enseignants coréens au Japon, l'Association des Coréens au Japon pour la réunification pacifique, le présidium du comité central de l'Association des Coréens au Japon pour les droits de l'homme et autres formations au niveau central de la Chongyun et les organisations sous son égide, le journal Joseon Shimbo, le service de l'information de Corée, la librairie Hagwoo, la troupe d'opéra Kumgangsan, l'Association pour la promotion des échanges économiques coréo-japonaises et autres entreprises, ainsi que les directions locales de la Chongyun, l'université coréenne et les écoles coréennes au Japon de tout échelon.